la balle et ma meuf c'est l'arme. On sait tous que Marseille c'est Naples. Idée d'être armé dans l'âme qui plaît beaucoup aux femmes et qui te nique ta mère. Écoutez dans la rue les quêtes et dans les clubs. Rien ne m'étonne et reprenne nos méthodes. On a quitté l'école, compté la tonne en bédo. Ego, jamais tu cries dans mon frigo. Le frigo vide, mais tous les payes à sa kermesse. Fais pas si ce gros tardi, c'est qu'une putain de kermesse. Dans le palais, fils de pute dans le porche. Palias dépasse ta sacoche. Si bâtard, c'est pas du cinoche. Des fois par mois, les keufs nous filochent. J'suis avec Soso, on se boit un verre. Demain on fera affaire, parti de rien, la tête haute, un bête de yo, des restes, si je suis sur la côte. T'as fait quoi pour nos gueules, on agence tout seul. Allez nique ta mère. Tu vas nous mettre à l'amende quand tu vas nous revoir. Allez nique ta mère. On génère des millions, on est durés mignons. Allez nique ta mère. Allez nique ta mère, oh. Marseille, Fada. Combien de pays j'ai claqué aux madames? 3-4, Gova. Feuilleté garé devant ta dame. Dans l'ouvrage, j'écoutais Repro 3. Maintenant plus, je pose sur Repro 4. J'ai posté un guetteur sur le toit. La nourrice me fait des trous dans la barre. Drapeau, des aides. J'évite les cops, j'fais la corrida. Comme Rina, Toto. Dans les cheveux, j'mets la gomina. Gina Miri, dans la ceinture, j'ai le Glock. Y'a rien de plus beau qu'une Ferrari devant le bloc. C'est donc ça la vie, quand t'es ramené la drogue. Finir en prison, balancé par un de ses potes. J'suis avec la crime, au bord de mer. On planifie la guerre, des kilos de pur, des armes, des tempêtes de neige à l'arrière du putain de Cupra R. T'as fait quoi pour nos gueules, on agence tout seul. Allez.